Pascal, les grands dames qui sont restés pour Julien Cazard, Daniel Riolo. Et là, le CSA, c'est tout de suite. Mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé avec les cons qu'il y a là, ou ces cons, on va s'en occuper. Oh, oh, Malouda ! Julien, bonsoir. Salut les mecs. Ça va bien? Ça va et toi? La forme? Bah écoute, pas mal. Écoute, je voulais d'abord dire à Polo que je suis très content que le nouvel entraîneur de Gladbach, c'est qui? Denis Fabre? J'ai pas très bien compris. Ouais. Parce que comme on m'a dit que j'avais pas... Excellent entraîneur suisse. Ouais, très bien. Parce que moi, merci pour toutes Denis ces émissions Fabre, de télé. Qui est niçoise et qui pourrait reprendre, pourquoi pas, à la place de... L'OGC Nice, je sais pas. Oui, bah pourquoi pas. Ça peut pas être pire que présidente. Donc voilà, merci au fait pour toutes ces émissions, Tournée Manège, Motus. Moi, on m'a dit que je devrais faire la ferme célèbre. La ferme, c'est l'abruti. Voilà, c'est ce qu'on me dit quand je passe dans la rue. La ferme, c'est l'abruti. Donc, c'est la prochaine émission que je vais faire. Alors, oui, j'ai vu donc Fifi qui disait que l'UEFA avait abusé au niveau des tarifs de la finale de Ligue des Champions. Je voudrais juste que tu saches qu'il y a des gens qui ont payé 15€ pour voir à Auxerre-Arles-Avignon. Et que je pense que proportionnellement, le scandale est moindre. Je dis franchement. Hein. Parce que 15€, t'imagines pas, c'est 6 baguettes, c'est 8 croissants beurre. Enfin, c'est, et à côté de ça, t'as Auxerre-Arles-Avignon. Donc, voilà. Je voulais quand même te le dire que proportionnellement, c'est quand même beaucoup moins cher. Et après, on a appris que Gattuso s'était fait traiter d'italien. C'est vrai que c'est assez dégueulasse. C'est quand même une insulte assez horrible. Daniel, t'as un truc à dire par rapport à ça? Tu penses que c'est assez scandaleux? Se faire traiter d'italien? Non, mais finalement, non, c'était pas ça l'insulte. C'était pas ça. Ah, d'accord. Il semblerait que les mots n'aient pas été vraiment prononcés. D'accord. Voilà. Alors, on a vu aussi que, au Werder, tu as dit, Polo, qu'il cherchait des joueurs qui ont un ADN différent. Tu sais que c'est toujours un peu tendu, dès qu'on fait ces blagues-là avec l'Allemagne. Non, mais moi, je ne demande qu'à pas en parler! Mais tu dis qu'il cherche des joueurs qui ont un ADN différent. Moi, je propose Brandao, qui a vraiment un ADN différent. Lui, c'est, il sort pas d'un centre de formation. Je pense qu'il sort du CNRS. Je sais pas avec quoi ils l'ont croisé, Brandao. Non, mais il y a des limites au clonage. C'est que je veux dire. Donc, à un moment donné, on peut faire des expériences sur le corps humain, mais voilà. Voilà. Donc après, ça donne des trucs comme ça. Donc si vous en voulez, prenez-le. Mais bon, c'est quand même bizarre. Hein. Après, Didier nous a dit qu'en Italie, on n'utilisait pas l'arbitrage vidéo. C'est vrai que, à part en finale de Coupe du Monde, mais là, ça compte pas vraiment. En général, en Italie, quand même, on essaye d'être quand même un peu clean. Et Ranieri, c'est la classe. Alors, c'est la classe parce qu'il démissionne 15 matchs avant la fin. Et enfin, il est classe, mais il faut voir son équipe. Hein. Son équipe, elle a démissionné 15 minutes avant la fin du match, et ça, c'est la super classe. Ça, c'est vraiment le top niveau, quoi. Tu vois, c'est les mecs qui sont, voilà, ils se mettent à la hauteur de l'entraîneur, et moi, je trouve ça assez beau. Alors, au début, on a eu Jérôme Alonso qui nous a dit qu'il était allé faire un essai à Crystal Palace. Je sais, pour nous rappeler qu'il a fait quand même une belle fin de carrière. Et il a dit, tu plonges. Alors, on lui disait à Crystal Palace, on lui avait dit, tu plonges bien, mais tu plonges trop. Et c'est marrant parce que Fabrice Fiorez avait fait un essai à Blackburn, et il lui avait dit pareil. Comme quoi, c'est vraiment une manie chez eux. Hein. Après, on a parlé de l'Olympique de Marseille, et on a dit qu'on ne voit pas Marseille inquiéter Manchester. Moi, je suis désolé, je pense que Manchester, ils ont vu jouer l'OM, ils sont inquiets, ne serait-ce que par charité chrétienne. Ils sont vraiment inquiets, tu vois, parce que ça, quand même, ça reste des êtres humains. Moi, je serais à leur place, je serais inquiet aussi. Hein. Après, Gignac est sorti du coma, ça, c'était drôle, il n'y a rien à rajouter. L'OL L'OL, il y a un supporter de l'OL qui nous a dit que l'OM, le match le plus important, c'est pas le Real, c'est Lille. Et moi, je suis complètement d'accord, parce que moi, en tant que Parisien, tu vois, je suis dégoûté de la défaite contre Jacob Friis-Hansen en 93. On avait délaissé ce match contre Lille, je sais pas si tu te rappelles, tout ça pour une victoire moisie contre le Real dont personne se rappelle. C'est vrai, ce match n'avait aucun intérêt et on a sacrifié un PSG Lille qui nous reste tous en travers de la gorge. Je peux te dire que c'est 1-0 là avec ce but de Jacob Friis-Hansen. Enfin bon, donc, du coup, je comprends les Lillois. Ils ont vraiment raison. C'est un vrai combat. Ensuite, le Stade Rennais. Alors Daniel est encore tombé dans les clichés. Alors Antonetti, le Corse, qui a commis un hold-up. Tu vois, je trouve que c'est un peu limite, Daniel. Tu vois, est assez grave en ce moment pour que. Non, mais voilà. Alors pas. Voilà, mais c'est l'équipe. Mais t'as raison, Messrine, Spaggiari, le gang des postiches, Tony Musulin. Mais tout ça, c'est le Stade Rennais, évidemment. Évidemment, tu n'arranges rien. Alors bien sûr, en antenne, on peut le dire, Daniel, qu'on les déteste. Mais à l'antenne, fais gaffe. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis le premier à dire. Mais comment? Il y a des mecs qui ont pas du. En plus, tu dis qu'ils sont cons, qu'ils ont pas l'humour. Mais hors antenne, on a dit. Que ça c'était hors antenne. Voilà, après Daniel nous a dit que Rennes était une des 5 équipes du carré VIP. C'est vrai que le fameux carré de 5, tu le connais. tu joues au poker un peu, Daniel. Mais non, mais dans un carré VIP, c'est pas ça que ça veut dire. Non, mais bien sûr, le carré magique, tu te rappelles du carré magique. Toi qui les étais combien dans toutes les boîtes parisiennes, je pense que. On nous a dit que t'étais partout dans les trucs VIP, toi. Hein? Quoi, moi je suis parti dans les trucs VIP. Carré VIP, t'es un pauvre ami. Je fréquente les mêmes endroits qu'à la veille. Oui, j'aurais peut-être une promotion, pas vous. Oui. Eh ben, excusez-moi. Pardon, messieurs. Voilà, vous avez le droit de préférer aller au bar PMU, hein, on joue comme on aime. Riolo, tu t'es fait insulter par les Rennais sur ton blog. Est-ce que ça prouve pas que tu te laisses pas indifférent, Daniel? C'est peut-être ça aussi, parce que tu dis que c'est comme les Rennais. C'est eux qui ne laissent pas indifférent. Oui, mais toi non plus. Et c'est plutôt bon signe pour eux. Mais c'est bon signe pour toi aussi. Alors après, vous avez parlé brièvement au Portugal du derby du peuple du rez-de-chaussée. Qui s'est terminé donc par, je crois que les taxis ont battu les entrepreneurs 2-0. Et une dernière info dans le bas de tableau, je crois que l'équipe des gardiens va encore faire l'ascenseur. Ça serait bien qu'ils en profitent pour faire l'escalier. Ça serait pas mal. Non, j'ai honte de l'avoir fait ça. Non. C'est une commande. Hein. Non, c'est même pas vrai. J'ai pas d'excuse. Alors l'arbitrage, vous avez parlé de l'arbitrage et de Jean-Louis Triaud. Et c'est vrai que Jean-Louis Triaud, il a quand même eu raison de lancer un coup de gueule et d'envoyer une lettre parce qu'à un moment donné. Son équipe, elle est pénalisée. Faut plus qu'il soit aligné contre Bordeaux. Là, ce monsieur, là, tunisien, là, le monsieur, comment il s'appelle, monsieur. Ben Kalfala, voilà. Ben Kalfala, faut arrêter de le mettre avec Bordeaux parce qu'il pénalise l'équipe. Sauf que c'est pas la Ligue qui fait envoyer la lettre, c'est à Jean Tigana. Parce que Ben Kalfala, c'est un joueur de l'équipe. Alors, il porte de mieux en mieux son surnom de Ben qu'est-ce qu'il fait là, parce que là, on se demande toujours, on a toujours pas la réponse. Bordeaux-Lorient, alors Jérôme Alonso, qui va commenter Bordeaux-Lorient sur Orange Sport, on a appris qu'il y aura plus de spectacles dans les tribunes que sur le terrain. C'est Bordeaux-Auxerre. Bordeaux-Auxerre, oui. Bordeaux-Auxerre, il y aura plus de spectacles dans les tribunes que sur le terrain. Je peux même leur dire qu'il y aura plus de monde dans les tribunes que dans la télé. Donc merci Orange. Et puis Camboiré, une très belle interview d'Antoine Camboiré qui est passé à l'AS. Je voudrais quand même qu'on l'entende, s'il vous plaît. Après, on a aussi manqué de maladresse, mais bon. Voilà. Alors donc pour Antoine Camboiré, le Paris Saint-Germain a manqué de maladresse. C'est vrai qu'Apoula a été un peu décevant dans ses interventions. Mais le mec, on lui tire dessus. Il peut pas toujours éviter le ballon. Forcément, il s'est retrouvé sur la trajectoire. Il a manqué de maladresse. Mais je tiens quand même à dire que Erding garde une vraie constance et que depuis 6 mois, il a des stats à la Sylvain Pancrate. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Fabrice Pancrate. Oui. Sylvain, c'est peut-être son frère. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pire. Fabrice Pancrate, c'est encore pire. Donc voilà. Ils ont manqué de maladresse, mais il y a encore un petit peu de marge. Et Casanova qui a déclaré que Gignac était aussi fort que Fernando Torres et David Villa. Vous avez entendu ça? Oui, c'est pas faux. Parce que regarde, Villa c'est 70 kilos, Torres c'est 78 kilos, à eux deux ça fait 148. Oui, il est à peu près aussi fort que ça, Gignac. Hein. Même s'il a un peu perdu récemment, c'est à peu près ça. Adil Rami, qui après la défaite contre Lille, il a dit que bon, ils s'étaient trop fait marcher dessus, ils avaient été trop gentils, et qu'il a dit la prochaine fois, s'il faut mettre des tampons, on les mettra. Alors écoute, Adil Rami, déjà il met des boucles d'oreilles. Il met du mascara et du eyeliner, si en plus il met des tampons, on va commencer à jaser. Non mais tu connais le monde du foot. Avec applicateur, mais je veux dire, voilà, il y a des phrases à pas dire, voilà. Adji contre Lyon, ça c'est pour Philippe. Adji contre Lyon qui a raté son penalty parce qu'il a fait une panenka, sachant que c'est pas le geste technique le plus simple à faire sur un penalty, c'est le geste le plus facile, c'est la Anelka, puisqu'on en a parlé. C'est la Anelka, c'est quand tu tires un péno, que t'en as rien à cirer, que tu frappes mollement sur le gardien et qu'après, bon, t'y penses même plus. Voilà, c'est un truc qu'il avait déjà fait il y a 3 mois. Je le déconseille aux jeunes, hein, ça peut irriter l'entraîneur. Vaut mieux tenter la panenka à choisir. Voilà. Et puis, juste pour finir, je voudrais quand même parler de Raymond Domenech qui avait fait une interview dans l'Express. Et vous avez, je me rappelle, taillé Raymond Domenech. Et Raymond Domenech, je crois que le vrai problème, c'est qu'il dérange. En fait, comme tous les grands hommes, si tu regardes bien Raymond Domenech, il est comme Coluche. Il dérange comme Coluche. Il est pas aimé par la presse comme Coluche. Il est pas toujours compris dans ses blagues comme Coluche. Il est à contre-courant comme Coluche. Malheureusement, Raymond Domenech, il a pas de moto. C'est peut-être le seul truc. Mais ce soir, c'est n'importe quoi! C'est trop là! Là, c'est trop! Je pourrais finir en chanson. Oh non! Vas-y, finis en chanson, va! Quel scandale! Pour rendre hommage à Younes Belhanda, qui a quand même l'homme du week-end, qui a mis un très très beau but avec Montpellier. Et j'ai envie de lui rendre hommage avec une chanson de Claude François, évidemment. Attention, 3, 4. Il est né dans le Vaucluse, à Avignon, tac-tac-tac-tac-tac-tac. Mais faut pas le prendre pour une bise ou pour un con, tac-tac-tac-tac-tac-tac. Il y a pas signé, il a préféré Montpellier. Il y a deux pieds gauche, Belhanda, qui lui servent de fauche, Belhanda, des fois il en décoche, Belhanda, une vieille frappe en cloche, Belhanda, et là il fait mouche, Belhanda, on dirait chat. Ouche Belhanda, hey, bravo. Par rapport à Mohamed Chaouche, dont tout le monde s'en rappelle, bon buteur de Ligue 2. Oui, Polo? Non, rien à dire. Alors, le deuxième vraiment joueur à qui il faut rendre hommage, c'est Morgan Amalfitano. Ah, oui. Qui a quand même été magnifique. Et Amalfitano, j'ai envie de lui rendre hommage avec une chanson du groupe Otawan. Attention, 3, 4. Oui. Il est Amalfitano. Ah oui les gars, il est Amalfitano. Philippe Auclair, il est Amalfitano. À toi Gilbert, il est Amalfitano. Il est atypique, il est mal, maléfique. Il est fit, super physique. Il est entendu comme une trique. Il est haut. Oh, il est Amalfitano. Mopolo, il est Amalfitano. Didier Mago, il est Amalfitano. Ariolo, il est Amalfitano. Il est animal, il est mal, oui, un vrai mal. Il est phénoménal, il est temps qu'il signe au Real. Il est haut. Oh, il est Amalfitano. Merci. Et une dernière. Ah bon ? Une dernière magnifique. Sur peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 qui est Johan Demont. Et qui mieux que le groupe Image, hein, puisqu'il est à l'image de son club, pour parler de Johan Demont. Attention. Rue déserte jusqu'à la Gaillette, personne ne bouge, personne ne bouge. Le saoule pas comme Nissan Gemma, où il voit rouge, où il voit rouge. Cheveux teints, années 80, en blond platine. On dirait Bonnie Tyler à ses plus grands jeux. Il m'entraîne au bout du cauchemar, le démon de Bollard. Il m'entraîne jusqu'à la Ligue 2, le démon de mes deux. Dans mes rêves, je vois une équipe qui bat Palance. À vous, qui bat Palance. Quel exploit, Johan marque du droit sur un coup de chance, sur un coup de chance. J'aime ce ch'ti au crampon aiguille qui se déhanche. Qui se déhanche. Ça met un peu de chaleur dans mon jambon beurre. Ouais, Nissan. Bravo. Et Johan Demont, mesdames, messieurs. Parfait. Le démon de Bollard. Bientôt, nous allons enregistrer les chansons. Elles seront disponibles sur le web. Bien sûr, c'est en cours. Un petit mot de Jérôme Thomas pour conclure. Oui, la ça l'a rené, on t'aime pas. On t'aime pas, je te dis. Deuxième du championnat. Et le PSG n'est que cinquième pour l'instant. Bien enregistré, ça. Tu peux l'enregistrer. Le bloc de l'after, donc juste pour vous rappeler. Rappelle ton palmarès. Juste pour vous rappeler. Coupe de France 65-71. Je sais pas, personne n'était né. Entre autres, Coupe de France. À part Jeannot Rességuier, personne s'en rappelle. Gambardella 2008, je le rappelle. Pour vous rappeler que vous pouvez chatter avec les drôles de dames avant qu'elles arrivent. Oui, bien sûr. À l'antenne. Sur leur page dédiée. Même parfois, certaines drôles de dames restent après, donc pour les couches tard. Vous pouvez aller discuter avec eux et réagir par rapport à ce que vous avez entendu. Il y a aussi, pour demain, vous pouvez faire vos pronos sur les matchs de la Ligue des Champions et vos pronos sur les clubs que vous voyez descendre en Ligue 2, avec Arles Avignon, bien sûr, qui est pas une des solutions proposées pour un club qui va se maintenir. Sur la page Facebook de l'After, il y a beaucoup de commentaires positifs sur Jérôme Alonso, qui était là lors des deux premières heures. Alors la question, est-ce qu'il va revenir ? Donc tu es l'After, il sera là lundi. Lundi prochain. Exactement. Et puis je vous conseille rapidement un petit blog intéressant, ça s'appelle alaculotte.com. Ouais, il y a plein d'articles et de rubriques décalées. Il y a notamment, récemment, elle a été rajoutée l'équipe type des joueurs à Dreadlock. Avec une belle défense, Sanya, Ferdinand Colli, Adjovi Boko, Taribo West. Pas mal. C'est costaud. Hein. Merci voilà. Les gars, merci Jérôme, merci les drôles de l'âme, merci Julien, merci Daniel, merci à tous. L'after revient demain soir, bien sûr. Après la Ligue des Champions, grande soirée demain. Salut le Sadrelet.